Comment philosopher sur le corps ? On reproche souvent à la philosophie d'avoir considéré le corps comme un obstacle à la pensée, comme une partie de nous-mêmes qui nous empêche d'accéder à une réflexion pure, qui nous retient en quelque sorte dans la matière ou dans la vie. Comment en effet réfléchir, ne serait-ce que quand nous sommes victimes d'une rage de dents ou d'un accès de fièvre ? Nous sommes alors cloués à notre corps et la pensée ne semble pas pouvoir s'en décoller, semble enfermée en lui, de telle sorte qu'il y a d'une certaine façon deux tendances dans l'histoire de la philosophie. Une première tendance qui cherche à arracher la pensée au corps en présupposant aussi par là même en nous une capacité de s'y arracher qui a fait conclure souvent un dualisme. Nous pouvons penser des choses universelles alors que notre corps est toujours singulier. Il y a aussi l'expérience de la mort qui nous fait penser à un principe qui était dans notre corps et qui lui fournissait la vie et qui peut se séparer de lui d'un côté. Mais d'un autre côté, le corps se rappelle toujours à nous. Nous ne pouvons pas penser non plus sans un corps. Et l'autre grande tendance de l'histoire de la philosophie, celle qu'on appelle matérialiste, mais parfois aussi vitaliste, si elle s'appuie sur l'expérience du corps vivant, nous amène toujours à penser qu'il faut penser à partir du corps. À la fin du 19e siècle, Nietzsche a par exemple reproché à toute la philosophie cet oubli du corps et cherché à penser toute pensée comme expression du corps, un petit peu à la manière de la digestion des fonctions du vivant, et la pensée, même la plus élevée en apparence, serait ainsi sécrétée par le corps. Merleau-Ponty, d'une manière peut-être plus indirecte, a fait du corps déjà l'acteur de notre pensée dans le monde, une subjectivité orientée qui ouvre vers toutes les autres pensées, y compris vers l'artiste. Par exemple, disait Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, le peintre apporte son corps. Et c'est avec son corps qu'il peint, c'est avec son corps que l'artiste ou le musicien chante ou compose, par exemple. Et notre corps est aussi un instrument de pensée. Comment résoudre, finalement, cette opposition constante entre les philosophies qui cherchent à s'arracher au corps et celles qui cherchent à nous y ramener constamment? Il n'y a qu'une solution possible. C'est que dans l'expérience des corps humains surgissent des questions sur le corps. Et elles surgissent peut-être toujours des relations entre les corps. Quand nous voyons un corps mourir, quand nous voyons un corps souffrir, nous nous demandons qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'un corps finalement? Les questions surgissent entre des corps et pour résoudre, aider, améliorer, transformer les relations entre les corps. Il n'y a pas à choisir entre un dualisme métaphysique ou au contraire entre sa critique abstraite. Ce qui compte, c'est de comprendre que les questions philosophiques surgissent des relations entre les corps humains, de la parole entre les corps humains, de la vie et de la mort entre les corps humains. Toutes les questions philosophiques sont, disait aussi Merleau-Ponty d'une très belle formule, intercorporelles. Il y a un espace entre les corps, c'est l'espace où nous vivons, c'est l'espace où nous pensons. Il ne faut pas philosopher pour ou contre les corps, mais entre les corps.